بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد On continue inshallah dans l'étude de ce livre magnifique de six événements de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام que le shir a choisi afin que l'on comprenne la voie du prophète عليه الصلاة والسلام ou même plutôt la voie des prophètes عليه الصلاة والسلام et quelle a été leur message. On a vu dans les premiers points, et je ne cesse de le répéter, afin de comprendre et de comparer ce qu'on voit à notre vie actuelle. La première des choses à faire pour le musulman, c'est de mettre en garde contre la pire des injustices qu'est l'association. Et savoir l'expliquer, comprendre pourquoi c'est une grande injustice que de donner des associés à Allah dans son adoration. Si on n'en est pas capable, on sera donc forcément incapable de mettre en garde contre ceci. Donc posez-vous maintenant la question. Si quelqu'un vous demande quelle est la gravité de l'association, si vous buguez et vous n'arrivez pas à répondre, c'est que vous n'avez pas encore bien assimilé ces choses. Ce qui est gravissime, d'autant plus que certains connaissent la voie des compagnons des salaf salih, radiyallahu anhum, depuis des années, mais que malgré cela, ils ne savent pas encore montrer la gravité de ce grave péché. Pour faciliter la compréhension aux gens, j'avais donné l'exemple d'un employé travaillant pour quelqu'un. Walillah al-mathalu al-a'la. Allah est celui qui a créé toutes choses. C'est celui qui nous donne la subsistance. C'est celui qui a la royauté absolue. Donc forcément, c'est celui qui doit être adoré seul, subhanahu wa ta'ala. Si l'on n'est pas d'accord, c'est soit qu'on a des doutes que c'est lui qui a créé toutes choses et qui a ses caractéristiques, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, la gravité, c'est qu'on doute en fait de choses existantes. On doute de sa création. Et là, on est plus proche de la folie qu'autre chose. Ou bien soit, on prétend qu'il a des associés dans cette création. C'est-à-dire des gens, ou bien on crée avec lui, ou l'ont aidé dans sa création. Ce qui est tout aussi faux. Voilà ce qu'implique donner des associés à Allah dans son adoration. Si l'on est sûr que ces deux choses sont totalement fausses, l'adoration d'autres que lui doit être tout autant absurde. Et donc forcément, cette question d'adorer Allah seul ne doit faire l'objet d'aucune discussion. Aucun autre avis est respectable, puisqu'il mène à dire des absurdités aussi graves. Et toute l'argumentation du Coran est basée sur cela. Et comme Allah nous a informé, et c'est vraiment très malheureux, la majorité des gens ont des penchants vers ces choses-là. Aussi étonnant que cela puisse paraître, mais la majorité des gens ont des penchants pour l'association, car ils ont écouté les diables parmi les djinns et les hommes. Le message de l'islam et sa base est donc l'appel à adorer Allah seul, et l'argumentation en est saine et claire. Et la mise en garde contre l'association et le fait d'être clair et précis dans ceci. De montrer clairement la nullité de ces divinités faussement adorées. Donc ce qui va forcément impliquer de subir des injustices et des méfaits. Mais malgré tout, même si l'on subit ces méfaits, qu'il soit physique ou bien économique, on se doit de ne faire aucune concession comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Si l'on compare cette situation à la nôtre, on voit que le problème est profond. Ni on appelle les gens à adorer Allah seul, maintenant ce qui est devenu totalement invraisemblable, car ils ont renié le Créateur. Là, on n'est plus à une époque où les gens reconnaissent Allah comme créateur, ce qui fait partie de la fitra. Avant, très rares étaient les gens qui reniaient le créateur, parce que la création est là. C'est de la folie de renier le créateur. C'est pour cela que les polythéistes reconnaissaient qu'Allah, c'est lui le créateur, etc. Mais lui donnaient des associés dans l'adoration par perversité de leur part. Mais maintenant, tellement ce message a été oublié, les mécréants sont passés à une autre étape. Étant donné qu'ils ont compris l'argumentation saine du Coran, que le fait de reconnaître qu'Allah c'est lui le créateur, cela implique que c'est lui qui doit être adoré seul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une autre étape, ils ont renié le créateur et en ont fait le déni, et ça marche malheureusement. Il y a des gens qui acceptent cela, qui acceptent le fait d'écouter des gens qui disent « oui, il n'y a pas de créateur et qu'on vient du hasard ». Cela est même enseigné dans les écoles depuis des années sans que cela ne pose de problème, car soi-disant c'est au nom de la science. Une science qui a été falsifiée et imprégnée de la tendance satanique et franc-maçonne. Donc les musulmans de notre époque acceptent de rentrer leurs enfants qui font partie de leur chair. Ils acceptent de les faire rentrer dans ces écoles où est enseigné donc ces choses graves qui touchent la base de la religion et qui touchent le droit d'Allah. Par contre, quand c'est pour leur enseigner des sortes de perversité comme ils le font actuellement chez nos enfants dès leur plus jeune âge, cela commence à les faire bouger, à les faire un peu réfléchir sur le fait de comprendre que l'heure est grave. L'heure est grave, cela fait très très longtemps. Le fait de ne réagir que maintenant prouve que l'on n'a pas dans notre cœur l'importance du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La solution à cela, elle est connue. Elle est connue chez la plupart des musulmans, mais c'est juste qu'ils veulent se voiler la face. C'est une chose naturelle que le shir va évoquer, rahimahullah, dans ce cinquième événement. قال الشيخ رحمه الله الموضع الخامس قصة الهجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. L'histoire de la hijra, l'émigration, elle a en elle donc des bénéfices à en tirer et des sujets à méditation que ne connaissent que très peu de gens, ou plutôt que la majorité des gens n'ont pas compris malgré le fait qu'ils l'ont lu. Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wasalam, comme on l'a vu dans les premiers événements, a appelé les gens à l'adoration d'Allah seul et a mis en garde clairement contre le shirk, qui est le pire des péchés et qui se traduit par l'association. Et on peut rentrer dans ça, tous ses dérivés tels l'athéisme, le satanisme, etc., etc. Le prophète alayhi salatu wasalam l'a fait et ses compagnons aussi. Et à cause de ce message, ils ont subi toutes sortes de méfaits et d'injustices, comme on l'a vu. Des choses qui étaient très difficilement supportables. Première chose, est-ce une chose voulue de patienter dans un endroit où l'on subit des injustices à cause de notre religion? Et là, on parle de gens comme les compagnons, radiyallahu anhum, qui ont malgré tout extériorisé et continué à le faire. La réponse à cela, on la trouve dans ce qu'ont fait les compagnons. Les compagnons ont continué leur appel et ont subi des injustices et ont patienté comme ils l'ont pu. Pourquoi cela? Car ils n'avaient pas d'autre solution à cette époque. La seule solution ou le moindre mal que le prophète a trouvé à certains a été d'émigrer en Abyssinie, une terre chrétienne, en attendant qu'Allah ouvre une issue aux musulmans. Cette issue favorable, comme vous le savez, est venue des Médinois qui ont promis au prophète alayhi salatu wassalam de le défendre, des Médinois qu'il a rencontrés durant la période du Hajj. Une fois s'être assuré de la parole des Médinois, est venu l'ordre de l'émigration qui était considéré par les compagnons comme une libération, un endroit enfin où ils pourront adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shir de dire, rahimahullah, « Walakin muraduna al-an mas'alatun min masailiha wa hiya anna min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam man lam yuhajir min ghayri shak fi d-din wa tazyin dini al-mushrikin walakin mahabbatan lil-ahli wal-mali wal-watan. » Le shir, rahimahullah, veut nous parler d'une mas'ala, d'un cas de figure précis. Et c'est celui que certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas émigré, tout en étant convaincus du message de l'islam et en n'ayant aucun doute sur cette religion, mais simplement par amour de la famille, de l'argent ou bien même de l'endroit dans lequel il vivait. Alors que la grande majorité des compagnons, comme vous le savez, ont émigré, ainsi que des femmes, etc., etc. Quand la première bataille a éclaté entre les musulmans et les polythéistes, cette première bataille qui a eu lieu, comme vous le savez, à Badr, près de Médine, c'est-à-dire que les polythéistes sont allés chercher les musulmans jusqu'à Médine afin de les combattre. Qu'est-ce qui s'est passé ? À cause de leur fourberie, ces polythéistes se sont servis de ces musulmans qui sont restés et les ont pris comme boucliers humains. Et ça, c'est très connu, même dans les guerres actuelles. C'est pour ça, le shaykh dit, rahimahullah, « Falamma kharajou ila badr, kharajou ma'al mushrikin karihin. » Donc, quand les polythéistes se sont dirigés direction Badr, ils ont pris ces musulmans avec eux. Et ces musulmans, bien sûr, ils ne souhaitaient pas sortir, combattre leurs frères. Malheureusement, certains parmi les musulmans ont été tués par les compagnons, car ils ne les avaient pas vus et ils ne le reconnaissaient pas, puisqu'ils étaient dans la masse des polythéistes et que ces polythéistes se sont servis d'eux comme boucliers humains. Quand ces sahaba qui ont fait la hijra, ont émigré, ont entendu qu'ils ont tué certains de leurs frères musulmans qui n'ont pas émigré, cela a été très dur pour eux, ils en ont eu de la peine. Ils s'en sont voulu. J'espère que ça se dit bien comme ça. Ils s'en sont donc voulu. Jusqu'à que certains aient dit « On a tué nos frères ». Quelle a été la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, un verset qui est descendu, Surat Nisa 4, verset 97. Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous ? » Ils répondirent « Nous étions impuissants sur terre. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination !» à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Verset terrible, comme vous le voyez. Donc ces musulmans qui sont restés ont été sincères dans leur foi. Ils croyaient en Allah et au prophète alayhi salat wa salam. Ils ont cru au message, mais malgré tout, regardez, ils n'ont pas été excusés en cela. Leur préférence de la dunya, que ce soit l'argent ou bien la famille ou bien le pays, ne leur a pas été utile. Ils ont avoué leur impuissance sur terre, leur impuissance d'extérioriser leur religion tout en étant convaincus. Ça en parle de gens qui sont convaincus, à l'inverse de gens à notre époque qui ne sont même pas convaincus de leur religion et qui disent des phrases telles « Oui, moi je respecte tout le monde, j'accepte tout le monde, chacun sa croyance, chacun son avis, chacun son point de vue. » Ou considère aussi la religion comme étant une origine. Je suis d'origine musulmane. Sans pour autant être convaincu. Il le dit par information. Le fait qu'il est né dans une famille musulmane. Émettant toutes les religions dans le même piédestal. Ce qui est une chose grave. Moins grave que de dire « Oui, j'accepte tous les gens. » Si l'on revient à l'exemple de la vie mondaine. Quelqu'un qui nous dirait « J'accepte les patrons qui donnent totalement leur salaire à leurs employés, mais j'accepte aussi ceux qui donnent un tiers, un quart, un cinquième ou rien du tout à leurs employés. » Une personne censée accepterait ça ? Jamais de la vie, car c'est de l'injustice. L'injustice, on se doit de la rejeter totalement et d'appeler au contraire à la justice. Et cela sera plus important quand ça touchera le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez. Donc, si on compare à notre époque, ni on est ferme dans nos positions sur notre religion, on accepte des choses gravissimes et en plus, on essaye par tous les moyens de rentrer dans la case des incapables, des gens excusés alors qu'on n'en a pas. À l'instar de qui ? À l'instar des hypocrites, malheureusement, qui font tout pour être excusés des adorations, par peur de quoi ? Par peur de perdre des choses de la vie mondaine, en plus de n'être pas convaincu par le message de l'islam. Les vrais excusés ne cherchent pas d'excuses, justement. Les vrais excusés, ceux qui ont vraiment une raison valable de rester dans ces pays, ne cherchent pas les excuses. Lisez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat Tawba 9, verset 44. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Dans le contexte du djihad, ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes, et Allah connaît bien les pieux. Ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Et dans cette même sourate, verset 91, « Laysa ala du'afa'i wa la ala al-marda wa la ala al-ladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulih ma ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. » Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser s'ils sont sincères envers Allah et son messager. C'est-à-dire même si tu fais partie des gens excusés, il faut être sincère dans cela et ne pas être content au fond de soi-même de ne pas faire ce qu'Allah a ordonné. Pas de reproches contre les bienfaiteurs, Allah est pardonneur et miséricordieux. Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis je ne trouve pas de monture pour vous. » Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Voilà, à nous de se comparer à ces gens-là. Qu'en est-il ? Sommes-nous vraiment tristes ? Et là, je parle de ceux qui sont réellement incapables de partir de ces pays. D'accord ? Savoir qui sont ces gens qui sont excusés. Parce que là, la menace, elle est terrible. À l'époque du prophète, alayhi salam, les gens qui sont considérés comme impuissants sont ceux qui ne connaissent pas la route. Vous savez, avant, il n'y avait pas les avions et les trains et les taxis, etc., etc. Ils ne connaissaient pas la route. Il faut des guides. Le prophète alayhi salam lui-même a pris un guide pour aller à Médine. Donc, les vrais impuissants donc, sont ceux des gens incapables de se débrouiller, comme à cette époque, une personne qui est handicapée, par exemple, et qui ne trouve aucune voie, ils ne connaissent pas la route, par exemple. Ceux-là, il se peut qu'Allah il leur pardonne. Et même ceux-là, il y a pour condition d'être sincère envers Allah et son prophète dans son cœur. Et triste au fond de soi-même. Eh oui, le chemin de la foi n'est pas un chemin facile. Les histoires des prophètes, alayhim salatu wassalam, et de leurs compagnons, radiyallahu anhum jami'an, ne sont pas faites pour être lues seulement, mais elles sont là pour que nous prenions exemple sur eux et que nous suivons leurs traces et donc forcément que nous atteignent certains méfaits qu'ils ont subis. Wallah al-musta'an. Voilà pourquoi le shir dit, rahimahullah, wa man fahima hadha al-mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-hassan al-basri qala laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fi al-qulub wa saddaqathu al-a'mal. C'est-à-dire que celui qui a compris cet événement est celui d'avant comprendra la parole de l'Hassan al-Basri. Sa parole qui est donc l'Iman, la foi, ce n'est pas des paroles seulement que l'on envoie. J'ai la foi, je suis musulman, je suis la voix des compagnons, radiyallahu anhum, etc., etc. Mais au contraire, ce qui est ancré dans les cœurs est que les actions confirme. Les actions doivent confirmer ce qu'il y a dans le cœur. Ou sinon, on sera, à l'instar de qui, des hypocrites qui n'ont ni la foi dans le cœur, et le cœur étant le moteur des actions, leurs œuvres ne suivront forcément pas. La hijra, l'émigration, est donc une adoration déterminante. Certains ne la font pas par hypocrisie, comme on le voit chez certains qui préfèrent dorénavant d'autres religions, ou bien qui façonnent l'islam de la manière dont veulent les dirigeants qui, comme vous le savez, sont de confession pour la plupart en Occident satanique et franc-maçonne, et qui nomment eux-mêmes l'islam qu'ils veulent en France l'islam de France, un islam qui est dénué de ses bases, exactement comme ils l'ont fait pour la religion chrétienne auparavant. On voit bien ce qu'il reste chez les chrétiens dans leur religion. La plupart ne lisent plus leurs livres, ne font aucune prière. La seule chose qu'ils se permettent de dire est « Je suis d'origine chrétienne » pour ceux qui en sont encore fiers, et ils sont très peu fiers alors qu'ils n'appliquent rien de celle-ci. Et c'est exactement le même cursus qu'ils veulent faire subir à l'islam et aux musulmans. Les musulmans donc qui acceptent et tolère l'association sous toutes ses formes et inclut dedans la sorcellerie, etc., est dans un grave danger. Et sa foi est en danger, pour ne pas dire caduque, car elle contredit de plein fouet les enseignements de la base de notre religion, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Voilà la première catégorie de personnes qui n'ont pas émigré. Certains, et c'est ce qu'on a vu dans ce cinquième événement, ont une foi sincère et correcte, mais ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Ceux-là sont dans un grave danger et ils sont touchés par le verset que le Shir a évoqué, Surat Nisa. Et les méfaits de rester là-bas sont nombreux et les polythéistes ayant la mainmise sur eux peuvent les utiliser comme bon leur semble. Comme bouclier humain par exemple, en temps de guerre ou bien en les stigmatisant incessamment comme on le voit actuellement dans les médias jusqu'à qu'ils lâchent du mou dans leur religion. Et au fur et à mesure du temps, ces gens-là peuvent tomber dans l'hypocrisie majeure si Allah ne leur fait pas miséricorde. Car au fur et à mesure du temps, forcément, plus les jours passent et plus le danger devient plus grand et plus les concessions seront plus grandes, etc., etc., jusqu'à qu'il ne reste de la personne plus rien de sa religion. Et c'est ce qui se nomme la pression sociale. Le fait de mettre une pression pour que les personnes rentrent tous dans le moule dans lequel les notables le veulent. Et juste en parenthèse, pour bien que l'on comprenne mon propos, là je parle de ceux qui ont délaissé la hijra. Quant à ceux qui la font, ce n'est pas forcément synonyme aussi de réussite. Il faut la faire et ne pas se contenter d'elle ou d'avoir une mauvaise intention derrière, comme c'est venu dans le hadith connu de tous, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Et à la fin du hadith, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Quant à celui qui émigre pour Allah et son prophète, elle sera comptée comme telle. Et quant à celui qui émigre pour obtenir un bien de la vie présente, regardez, se servir de la religion pour une chose mondaine, que ce soit de l'argent ou comme c'est évoqué dans le hadith aussi, pour trouver une épouse, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. La hijra sera en fonction de sa niya. Voilà pourquoi le musulman se doit de faire ses actes d'obéissance sans se préoccuper de ce qui peut lui arriver dans sa vie mondaine. Voilà le summum de la foi. Et en aucun cas utiliser le dîn à des fins mondaines, ce qui peut être encore pire que de ne pas faire cette adoration. Ou parmi les exemples aussi qu'on peut donner et qui arrivent, que les personnes attendent d'avoir une rente, que ce soit leur retraite ou bien qu'ils aient reçu une grosse somme de la part de l'État suite un accident ou bien toute autre chose, et une fois cet argent présent, prétendre émigrer sur le sentier d'Allah. Vous voyez, donc tout ça, il faut faire attention. Et ne pas oublier qu'Allah connaît ce qu'il y a dans nos cœurs, et de savoir que sans la sincérité, nos actes ne seront pas valides, qu'Allah nous en préserve. Le chemin de la foi, comme vous le voyez, n'est pas chose facile et personne n'est à l'abri de sortir de la religion, que ce soit par un acte du cœur, tel le rejet d'une chose qui est venue dans la religion, ou bien un acte de la langue, ou bien un acte du corps, et c'est le sujet que va traiter le Cheikh rahimahullah ta'ala dans le sixième événement. Il est là. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.